Vacarme s'arrête là pour aujourd'hui, puisque c'est l'heure d'Histoire vivante. À demain. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le cinéma, c'est comme le sexe. Quand c'est bien, c'est génial. Et quand c'est pas bien, ben c'est pas mal quand même. Cette semaine, Hollywood. Le passage à Hollywood fait partie de ce dépassement du théâtre pour avoir notamment des décors naturels. Au théâtre, vous avez une toile peinte. Des débuts à la suite. Le cinéma hollywoodien est devenu très fort et une des raisons de la domination du cinéma américain dans le monde, c'est la force de son réseau de distribution. Quelques personnages oubliés. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Les vainqueurs étaient ceux qui ont écrit l'histoire du cinéma dans les années 40. Heureusement, les choses ont changé. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Oui, donc je m'appelle Nolwenn Mingan, je suis spécialiste de cinéma hollywoodien, plus particulièrement de tout ce qui est l'aspect industriel et du contact entre le cinéma hollywoodien et le public du monde entier. Ça démarre, comme beaucoup de chercheurs sur le cinéma hollywoodien, avec une cinéphilie. Avec vous tout simplement, voilà, moi c'est un amour du cinéma hollywoodien classique, les comédies musicales, les westerns, les films de gangsters. Et voilà, on commence comme ça et puis du coup on a envie de s'y intéresser. Moi j'ai fait des études d'anglais, donc évidemment ça m'a poussé encore plus à regarder des films. Et ce n'est que quand j'ai vraiment commencé à faire des recherches au niveau master que j'ai commencé à regarder tout ce qui était l'aspect industriel. Mais c'est vrai qu'au départ c'était... Voilà, l'amour du cinéma américain qui m'a entraînée vers ce sujet-là. Mais quand vous dites l'amour du cinéma américain, c'est un certain cinéma américain d'une certaine époque, parce que vous me dites western, comédie musicale, je pense que ce ne sont pas les tout dernières, la biographie ou le biopic de Judy Garland, mais plutôt le modèle original, qu'on préfère en général toujours à la copie, malgré les Oscars. C'est donc ce cinéma plutôt d'avant, 30, 40, 50. Voilà, exactement tout ce qui est cinéma hollywoodien classique. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et puis, à partir du moment où j'ai été amenée à m'intéresser aux aspects plus politiques ou économiques du cinéma, là, je me suis vraiment orientée faire du cinéma contemporain. Parce qu'il y a déjà eu pas mal de recherches sur le cinéma classique et aussi parce que le cinéma contemporain est absolument fascinant dans ses mécanismes. Quand je dis contemporain, en fait, je dis à partir des années 80. Et donc, du coup, j'ai gardé du point de vue personnel ce fait que j'aime beaucoup les films classiques. Mais maintenant, je travaille principalement sur des blockbusters, pas par amour des films, mais par vrai intérêt sur les mécanismes politiques qui se jouent derrière les films, en fait. On avait déjà eu l'occasion d'évoquer au micro d'Histoire vivante, il y a quelques années de cela, un travail qui avait été fait autour de la relation trouble et permanente entre Hollywood et le Pentagone, avec le chercheur Jean-Michel Valentin. Là, on va ouvrir une toute autre fenêtre qui est... un personnage extrêmement spécifique, moi qui m'a passionné depuis, je sais pas, une bonne trentaine d'années. Je suis absolument ravi d'en parler enfin avec quelqu'un parce que je pense que en Europe, c'est franchement, je vais dire le nom tout de suite, Jack Valenti. Je ne pense pas que ça soit un nom qui soit tout de suite dans l'inconscient ou l'imaginaire des gens. Et pourtant, on ose dire que c'est un personnage, je ne vais pas dire un acteur, mais un personnage pour Hollywood qui va compter essentiellement. Alors, est-ce que vous pourriez un tout petit peu, pas un tout petit peu d'ailleurs, nous présenter Jack Valenti? Oui, alors donc Jack Valenti, c'est quelqu'un qui vient donc du sud des États-Unis et c'est un de ces hommes qui a dû travailler pendant qu'il faisait ses études, donc il a un côté très combatif pour accéder à des emplois de la classe moyenne. Il crée son entreprise dans le domaine de la publicité et puis petit à petit, il va commencer à s'intéresser au milieu politique. Et il va notamment collaborer avec Lyndon Johnson, le vice-président Johnson. Alors que Kennedy est encore de ce monde. Alors que Kennedy est encore président. Le soir de l'assassinat de Kennedy, de la mort de Kennedy, Valenti est en compagnie de Johnson. Il est dans l'avion qui rapatrie en toute urgence Johnson, qui va être nommé président à Washington. Et il devient conseiller spécial de Lyndon Johnson. Mais pardonnez-moi, mais... évidemment, aujourd'hui, ça paraît relativement improbable, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, en tant que quoi on lui a donné les autorisations, comment s'est-il arrangé? Parce que si je ne m'abuse, et pour vous avoir quelque peu lu, il a commencé dans le pétrole, après il a un MBA à Harvard Business School, et puis bon, ça n'ouvre pas forcément, ça ne donne pas carte blanche à devenir un très proche des présidents et vice-présidents des États-Unis. Alors si, au contraire, ça donne complètement carte blanche parce qu'il est dans le milieu des intérêts financiers, avec son passé dans le pétrole, il est dans le milieu des affaires et en plus il est publicitaire, c'est-à-dire qu'il est dans le milieu de la communication. Donc au contraire, il est déjà dans des cercles qui intéressent les politiques et donc lui, il va être proche de Johnson justement parce que on est déjà dans l'idée d'avoir des gens qui vont faire du lobbying, qui vont être dans le marketing de l'image des hommes politiques. Donc au contraire, il a le profil parfait pour devenir l'homme de confiance de Lyndon Johnson jusqu'à ce que ensuite il soit embauché pour devenir le président de la MPA. Alors, on va parler bien sûr de la MPA, mais avant cela, pour rester sur Jack Valenti, Nolwenn Mangan, vous rappelez un portrait qui est fait par un chercheur canadien, Kerry Segrave. Je ne sais pas si je prononce bien le nom, vous me corrigerez. Je vous cite et je le cite. Jack Valenti, un personnage sans scrupules, prêt à tout pour arriver à ses fins et se réfugiant sans cesse dans les jupes du gouvernement américain. On sent qu'il le portait dans son cœur. Et vous, vous dites, oui, mais pas que, oui, mais faut nuancer. C'est-à-dire que sur Hollywood, on trouve beaucoup d'ouvrages qui sont des portraits à charge, voilà, qui souhaitent accuser, et c'est le cas de l'ouvrage de Kerry Segrave que vous citiez, qui est dédié à l'exportation du cinéma américain, mais avec comme objectif de critiquer systématiquement. Parce qu'il a, voilà, un point de vue idéologique qui est le sien et qu'il a choisi. Moi, j'estime que, en tant que chercheur, c'est intéressant de ne pas se situer dans ce point de vue idéologique, mais d'observer les mécanismes. J'ai l'impression que, au fond, il est souvent dépeint sous les traits de celui qui utilisera tous les moyens pour faire le lobbying qu'il entend faire, à la manière de ce que vont faire aussi les syndicats, qui, des camionneurs ou autres. On lui reproche une forme de puissance, d'arrogance qui n'hésite pas à jouer dur. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il est déterminé. Il est engagé pour faire un travail et il va le faire. Et comme il est extrêmement intelligent, il va développer des stratégies, des techniques. C'est aussi quelqu'un qui a un relationnel très facile, donc il va développer des réseaux. Et donc, il va mettre en place ou utiliser ses réseaux et ses techniques au profit de son employeur. Tiens, je vais vous proposer de faire un casting. Alors imaginez, je ne sais pas d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait eu, et encore, un film sur Jack Valenti. Mais enfin, imaginons que, voilà, on est en plein casting. Vous iriez chercher quel acteur aujourd'hui pour jouer Jack Valenti? Parce que moi, j'ai même pas vraiment son visage en tête. J'ai pas eu la curiosité d'aller chercher une photo. Mais quel acteur, selon vous, pourrait l'incarner, histoire qu'on s'en rapproche un peu? Oui. Alors, je sais pas. Moi, comme ça, je suis un peu partisane. Je dirais Leonardo DiCaprio. Mais bon, c'est un homme qui est pas très grand, qu'on imagine la mâchoire serrée comme massif, ça, avec beaucoup d'éternes. Voilà, massif trapu, avec un fort accent du sud des États-Unis, avec cette espèce de à la fois cette espèce de détente dans la façon de parler, de raconter des blagues, mais en même temps, je pense toujours avec cette détermination qui est toujours là d'atteindre son objectif. Et ouais, je trouve que Leonardo DiCaprio, qu'on a vu dans des films, je pense au Loup de Howard Hughes ou Loup de Wall Street, voilà, Howard Hughes. Je pense, voilà, il peut incarner ce genre de personnage. L'aspect un peu frénétique du personnage. Je ne sais pas si c'est frénétique, mais je pense plutôt qu'il y a un but. Et on fait tout pour y arriver. Donc c'est plutôt le bulldog qui n'en démord pas. Alors, on va continuer sur ce terrain-là. Donc le bulldog en question a un os qui s'appelle MPA. MPA, voilà. Exactement. Qui a changé de nom plusieurs fois. Oui, Motion Pictures of America. Voilà, Association of America. Ouais. Alors, présentez-nous en quelques gros traits ce que c'est que cette MPA. Oui, bien sûr. Alors, c'est une association qui a été créée en 1922. Par les grands studios hollywoodiens. Et leur problème à l'époque, c'est que il y a beaucoup de gens qui critiquent le cinéma américain pour le contenu un petit peu trop osé et pour le contenu trop violent. Donc il On est avant le code Hays de 1930. Exactement. D'accord. C'est justement exactement de ça qu'on parle. Et donc il y a en général, chaque ville a son système de censure qui va demander de couper les films, qui va interdire des films, et il y a cette rumeur que Washington va mettre en place un système de censure au niveau national. Et donc les studios ne veulent pas parce qu'ils veulent garder le contrôle. Et donc ils créent une association. Et ils engagent Will Hays, qui est un personnage qui a une expérience politique, donc on y revient déjà, et qui a aussi des valeurs morales très très connues. Et ils vont lui demander d'en faire un grand nettoyage à Hollywood. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer le code Hays, qui est le code de censure, qui va tout simplement être une liste d'interdits, de choses que les réalisateurs ne peuvent pas montrer dans leurs films. Ça va toucher à peu près tout, mais évidemment, d'abord et avant tout, le corps charnel, les baisers dans le code Hays sont particulièrement, qu'est-ce qu'on peut dire, interdits. Alors non les baisers ça va, tolérés. Voilà, ça c'est toléré. Par contre, ça va être plutôt des situations. Donc bien sûr, on ne peut pas voir de nudité, ça c'est évident. Il manquerait plus mais que ça, oui. Des situations qu'on ne peut pas suggérer. Par exemple, on ne peut pas parler de prostitution. Donc par exemple, les westerns vont se mettre à avoir comme héroïne des chanteuses de saloon, dont le sous-texte pour le public sera « c'est une prostituée », mais on peut pas dire. Il faut pas montrer de scènes d'hommes séduisant des femmes. Il faut pas montrer de scènes d'amour hors mariage. Il faut pas montrer de nuits de noces. Donc on est vraiment aussi dans un certain nombre de situations qui sont interdites. Et je vous rappelle que c'est le cinéma que vous aimez, hein, les années 30. Ouais. Et voilà, c'est justement parce qu'il est épuré, parce qu'il est... C'est parce que, de l'aveu même des réalisateurs, ce code rendait leur vie tellement compliquée à cause du nombre de choses qu'ils ne pouvaient pas montrer, qu'ils ont dû inventer des façons de le montrer. Vive la censure. Alors, on va pas dire vive la censure non plus. Alors moi, je n'hésite pas. Mais eux-mêmes disent que ça les a poussés vers une très grande créativité. Ouais. Et aussi une connivence très intéressante avec le public. Donc, par exemple, sur le fait qu'on puisse pas montrer de scènes de sexe, on voyait deux personnages assis sur un canapé. Hop, une ellipse, une coupure, et puis après, on voit l'homme qui fume une cigarette et la femme qui se remet du rouge à lèvres. Et tout le monde a compris ce qui s'était passé. Alors, que vient faire la MPA là-dedans? Alors, le principe, c'est que pour que cette liste de censure soit acceptée et mise en place par les réalisateurs, il faut que tous les patrons de studio soient d'accord. Donc, en gros, les réalisateurs savent que s'ils n'appliquent pas les critères, eh bien, ils ne pourront plus faire de film. Donc c'est vraiment cet accord fait par les grands studios, ils sont 5-6 à l'époque, qui va rendre obligatoire ce code. Donc c'est vraiment là l'origine de cette association, qui ensuite a utilisé cette solidarité pour d'autres choses, et notamment pour l'exportation, donc pour la suite. Mais vraiment, c'est cette question autour de qu'est-ce qu'on peut montrer dans les films pour qu'ils soient distribués. C'est ça qui les amène à s'unir. Sachant que ce sont des studios qui sont pas très vieux parce qu'ils ont une dizaine d'années, en 1922. Donc c'est vraiment le début aussi de leur histoire. Vivante cette semaine, Hollywood. Nolwenn Mingrand, revenons à l'aspect juridique. Vous mentionnez dans l'article que vous avez consacré à Jack Valenti et à la Motion Pictures Export Association of America, on va contracter en disant MPA ou MPA, la loi Webb Pomeraine. Mm-hmm. Celle-là, je ne la connaissais pas. Pourriez-vous nous la raconter? Oui, alors donc c'est une loi qui n'a rien à voir avec le cinéma au départ en fait. Hein. C'est une loi américaine qui autorise les entreprises américaines d'un même secteur à s'unir pour exporter leurs films. C'est-à-dire que sur le territoire américain, il doit y avoir la libre concurrence. Donc on n'a pas le droit de faire des alliances. Mais sur le territoire étranger, de façon à gagner des parts de marché, l'État américain autorise des entreprises concurrentes à être alliées. Donc, ce sont des trusts, en fait, hein, en général, ou j'appelle ça aussi des cartels. Donc, ce qui n'est pas légal sur le territoire américain est légal sur le territoire étranger. Ça s'appelle « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais ». Oui, voilà, ça s'appelle « je protège le marché américain, mais je vais conquérir le marché extérieur », en Alors, effet. Corrigez-moi mon interprétation. Moi, ce que je me suis dit souvent, c'est sur la situation du cinéma européen d'après-guerre. Il y a eu une sorte de très grand hold-up qui a été opéré par les États-Unis et sans doute Jack Valenti et la MPA y jouent là un rôle assez conséquent, vous me le corrigerez ou pas. Certains pays ont fortement résisté, à l'instar par exemple de la France qui a multiplié nombre de mouvements, de manifestations pour arriver à faire en sorte que son cinéma, le Canada également, soit considéré comme un produit différent des autres, qui soit considéré comme une industrie différente des autres. Néanmoins, le rouleau compresseur américain a agi et dans un très grand nombre de pays européens s'est installé en écrasant une grande partie du cinéma local. Est-ce que c'est une fabrication un peu trop facilement anti-américaine que je livre là, ou il y a un petit peu de vrai quand même, Nolwenn Maghan? Alors, il y a un petit peu de vrai quand même. oui, alors ce qui se passe, c'est que le cinéma hollywoodien est devenu très fort et donc très distribué. Et une des raisons de la domination du cinéma américain dans le monde, c'est la force de son réseau de distribution. Et c'est l'unité entre ces entreprises pour aller conquérir les marchés étrangers. C'est là où la MPA joue un rôle moteur. Voilà, exactement. Ouais. Donc là, en fait, on parle de taille critique. C'est-à-dire que face à cette industrie, les industries des différents pays européens ont beaucoup de mal, tout simplement, en termes de taille critique, à lutter. Il y a aussi le fait que dès les années 1910-1920, le cinéma américain est très apprécié des publics partout dans le monde. Et donc, les publics s'habituent à ce cinéma et ça devient le standard contre lequel on va juger tous les autres films. Alors, on peut comprendre cette préférence pour le cinéma américain par rapport au cinéma soviétique qui est déjà fortement inscrit dans la propagande, bien que le cinéma soviétique et russe ait particulièrement été inventif et avant-gardiste. Il y a un cinéma européen tout de même extrêmement fort, je pense au l'expressionnisme allemand, et je pense à tout ce que l'école française ou anglaise également, a conçu et inventé. Qu'est-ce qui fait que le cinéma américain distance sa concurrence? Oui, alors, il y a deux choses. D'abord, parce que leur objectif, c'est de faire du divertissement. Donc, on n'est pas sur un cinéma qui serait difficile à comprendre ou qui tenterait de remettre en question ce qu'on comprend de la société pour faire grandir le spectateur. On n'est pas là-dedans. On est vraiment dans du divertissement. Donc, c'est un cinéma très accessible. Et puis, à nouveau, cette capacité à distribuer les films, à être présent sur les marchés, cette volonté d'exporter. Et c'est là la grande problématique, notamment pour les Européens. Dès les années 30, les Européens se rendent compte qu'ils devraient s'unir pour exporter leurs films. C'est-à-dire pas seulement en tant que la France, l'Allemagne ou l'Italie ou l'Espagne, mais en fait, ils se rendent compte qu'il faudrait créer une MPA européenne où seraient rassemblés les producteurs européens dans une grande solidarité, et qu'ils exporteraient tous leurs films. Donc en fait, faire de l'Europe une confédération, comme les États-Unis de cinéma. Mais ça, qui est à l'initiative de ça? Ou qui y pense? Les artistes et les producteurs dans les années 20, dans les années 30, on appelle ça Film Europe, chez les Britanniques, mais ça ne se met pas en place. Ça ne verra jamais le jour. Ça ne verra jamais le jour. Et de façon récurrente, on a cette idée, on devrait s'unir entre Européens pour avoir cette taille critique, mais on n'y arrive pas. Voilà, c'est très difficile de s'entendre entre les différentes cultures de pays européens. Et donc, on se rend compte qu'en France, on ne reçoit pas tant que ça de films allemands, espagnols, italiens, alors qu'on pourrait concrètement. Mais ce réseau de collaboration n'arrive pas à se mettre en place, en fait. Retour à Jack Valenti, qui a un nombril d'une taille sans doute impressionnante, puisqu'il arrive à se décrire comme une sorte de Henry Kissinger amateur, ni plus ni moins. Ce petit ministre des Affaires étrangères, comme également il est nommé, va donc accomplir un travail multiple, qu'on peut qualifier de très directement de travail de lobbying. Est-ce qu'on peut rentrer un tout petit peu plus dans la précision de son travail et nous dire également, Nolwenn Mingan, jusqu'à quelle année il exerce son activité? Donnez-nous l'arc de sa présence à la tête de la MPA. Ouais, donc lui, il est arrivé en 1966 et il a quitté la MPA en 2004 et il est mort quelques années plus tard. Il faut revenir un peu en arrière après la Seconde Guerre mondiale, où la grande question pour les studios, ça va être de reconquérir le marché européen qui a été fermé par la guerre. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va créer une association jumelle de cette association américaine qui va s'appeler la Motion Picture Export Association. Donc on a une association pour le territoire américain et une association pour l'étranger. Donc quand il arrive en 1966, Jack Valenti va diriger à la fois l'association centrée sur les États-Unis et l'association centrée sur l'étranger et lui décide de faire du marché étranger sa priorité. Donc, ce qui était déjà une activité, c'est-à-dire conquérir les marchés étrangers, devient pour lui l'activité centrale. Et sur laquelle il va travailler à différents niveaux. Il y a le niveau des relations avec les artistes des cinémas étrangers. Et puis, il va y avoir tout le niveau du lobbying politique, et notamment au niveau des lois économiques et des lois de commerce. Je m'interroge, compte tenu des années d'activité de Jack Valenti, Nolwenn Mingan, car le cinéma américain, dans les années 70, sous l'ère, disons, post-Nixon ou Nixon et la suite, avant le retour des républicains aux affaires, en travers de la personne de Ronald Reagan, une sorte de virage, on va dire, anti-patriotique, lié à la guerre du Vietnam, lié où les anti-héros vont se multiplier à l'écran. Un Jack Valenti qui jusque-là a plutôt vendu sans doute du John Wayne que du Al Pacino ou que sais-je, qu'est-ce que ça va donner dans la relation entre Jack Valenti MPA et puis la production à proprement parler américaine qui est développée à cette époque-là? Est-ce que Jack Valenti et la MPA cherchent toujours aussi à exporter les films? On va les voir, donc on imagine que business avant tout. Ou ça va être à l'origine, si vous en savez quelque chose, de friction? Alors, il y a deux phénomènes. Sur les années 70, c'est vrai qu'on a le nouvel Hollywood, avec beaucoup de films qui remettent en question le modèle américain. Mais il faut savoir que partout dans le monde, on a un très fort niveau d'anti-américanisme. Pas fou. C'est la guerre du Vietnam notamment. Donc, ces films du nouvel Hollywood ont énormément de succès à l'étranger. D'autant plus que les réalisateurs du nouvel Hollywood sont inspirés par le style de la nouvelle vague française. Donc on a vraiment ce style un peu européen, ce souci de questions de société, on n'est plus dans du patriotisme, donc ça plaît beaucoup. Donc au contraire, là, ça pose aucun problème. Après, ce qui se passe dans les années... Aucun problème, vous pensez? Il y a quand même, je veux dire, c'est 13... Enfin, bien sûr, en termes de dollars, ça ne pose aucun problème. En termes, évidemment, de thématiques ou d'idéologies projetées, c'est un cinéma de gauche. Et non, vous semblez... D'abord, ce n'est pas tout le cinéma hollywoodien. Hein. Hollywood continuait à produire du divertissement. Mais ça devient une vitrine d'un cinéma hollywoodien, justement, qui est capable d'interroger la société américaine. Et en fait, le prédécesseur de Jack Valenti et Jack Valenti, donc Eric Johnston, qui était son prédécesseur à l'MPEA, avaient tous les deux le même discours. Tous les films hollywoodiens sont bons pour l'exportation. Soit c'est des films de divertissement qui valorisent le modèle américain, c'est super parce que ça donne une bonne image des États-Unis. Soit ce sont des films qui condamnent le modèle américain, c'est super parce que ça montre qu'on a la liberté d'expression dans notre pays. Donc on gagne à tous les coups quand on est Jack Valenti. Il apparaît comme quelqu'un d'abord d'extrêmement pragmatique. Oui, exactement. Et commercial. Voilà, commercial. Donc lui, sa mission, c'est de tout faire pour que les films hollywoodiens s'exportent. Donc, en fait, son travail, c'est de voir quel genre d'obstacles peuvent exister et comment on va les faire disparaître. Mais on est d'accord que le message est, de manière sous-jacente, politique. C'est la démocratie américaine que l'on vend là. Alors, c'est intéressant parce que c'est un discours qui était très présent avant Jack Valenti. Son prédécesseur, donc dans les années 50, bon, on pense à la guerre froide, hein, le disait clairement, le film américain, il vend à la fois le capitalisme et la démocratie, c'était très clair. C'est un discours que Jack Valenti n'utilise pas, en fait, mais qui revient avec le président actuel, Charles Rifkin, qui récemment a dit que le film américain avait une importance économique, mais aussi en termes de soft power. Donc à nouveau, c'est sous-jacent, mais ça n'était pas en fait le discours privilégié par Jack Valenti. L'actuel étant en poste déjà sous Obama, ou est nouvellement nommé par ce cher Donald ? Il est depuis 2017 et c'est un homme qui a un parcours tout à fait typique pour un président de la NPA, puisqu'il a bossé 20 ans dans le monde du cinéma et des médias. Qu'il est ensuite devenu ambassadeur. Il a travaillé sous l'administration Obama dans le ministère des Affaires étrangères, dans le département du commerce. Ouais. Et aujourd'hui, il est président de la MPA. Donc ça revient à notre question de tout à l'heure sur le lien entre le monde des entreprises et le monde politique. On est vraiment sur cette unité. Alors Jack Valenti, Nolwenn Mingan, c'est quelqu'un qui va pratiquer la guerre commerciale. Oui, alors Jack Valenti, il va être dans une attitude de bras de fer, très souvent. Donc il va négocier, mais il veut négocier d'un point de vue de force. Et pour ça, il va utiliser des armes, et c'est vraiment la rhétorique qui est utilisée notamment dans la presse à l'époque. Donc avant les années 80, il va utiliser l'arme du boycott. C'est-à-dire, vous faites un obstacle à ce que nos films rentrent chez vous. Par exemple, vous voulez mettre un quota, un nombre d'entrées. Eh bien, nous allons tout simplement boycotter votre marché, arrêter de vous envoyer des films. Ce qu'ils font et ce qui entraîne en général le déclin du secteur de l'exploitation, puisque les exploitants ne reçoivent plus de cinéma américain. Et donc, le public déserte les salles. Donc, c'est une menace qui est réelle et qui a des conséquences réelles. Après l'indépendance de l'Algérie, en fait, le gouvernement algérien a dû mettre en place des négociations avec les studios hollywoodiens pour revoir les conditions d'entrée des films. Et les studios ont décidé que les conditions ne leur convenaient pas et ont boycotté le marché. Et concrètement, les studios n'ont plus été distribués officiellement en Algérie depuis les années 60. Ils ont abandonné le marché et ça a été une des raisons, en tout cas, du déclin du marché cinématographique en Algérie. Il y en a d'autres, mais ça a participé à ce déclin. Donc quand on menace de boycotter, c'est un vrai problème pour une industrie du cinéma, ouais, pour un pays qui va être boycotté. Mais ça, c'est plutôt dans les années 60, parce que dans les années 80, l'État américain va donner une arme à ses entreprises, et qui est la possibilité de porter plainte pour obstacle au commerce. Donc ça, c'est sous la Reagan, à la fin des années 80, c'est la loi Omnibus sur le commerce. Et donc, en fait, si une entreprise américaine estime qu'un pays met en place un obstacle au commerce, quelque chose qui est contraire au libre-échange, eh bien, ils vont porter plainte auprès du gouvernement américain, et le gouvernement américain va faire pression sur le pays pour qu'il obtempère. Ça touche n'importe quel domaine du commerce, incluant le cinéma. Exactement. Donc là, on voit bien, pour le gouvernement américain, le cinéma est une industrie comme une autre. Alors ça, c'est l'étage de la menace. Et puis, on aimerait bien passer à l'étage supérieur pour voir s'il y a eu exécution de la menace. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'avec le boycott, on a beaucoup d'exemples d'exécution de la menace, avec les plaintes pour obstacle au commerce, il suffit de menacer de porter plainte. Et ça suffit, en fait, à ce que le gouvernement que l'on a en face de nous, par exemple la Corée du Sud à la fin des années 80, ça suffit pour que ce gouvernement revienne à la table des négociations et rabaisse ses exigences. Et donc, voilà, ça suffit pour avoir un résultat satisfaisant. Arme de dissuasion massive. Exactement. On Demain, la suite, nous retrouverons l'historienne Nolwenn Mingan qui a regardé pour nous le prochain documentaire d'Histoire vivante et la femme créa Hollywood. Nous retrouverons également l'historien Yannick Dehay qui nous parlera des textes consacrés à Hollywood écrits dans le milieu des années 30 par Joseph Kessel et Blaise Sandrard. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de David Golan, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.